Carole, je te connais bien. J'éprouve pour toi de l'affection. Tu m'intéresses au plus haut point, mais je pige pas tes hésitations. Avec tes dons et ton talent, je te vois faire de grandes choses. Les fous liront en t'admirant. Ta vie sera chemin de rose. Bien sûr, tu cherches l'essentiel. Bien sûr, tu as soif d'absolu. Mais n'y a-t-il pas un peu d'orgueil, hein? Tu crois quoi? Tu es l'élu, hein? Mon vieux, faut pas rêver. Oublie un peu tes illusions. Tu n'as pas les capacités, les moyens de tes ambitions. Bien, laissons tomber le masque. Je vais pas m'amuser à te mentir, parce que je sais que tu sais qui je suis. Alors, j'ai pas de pacte à te faire signer, non, j'ai pas de contrat, de fausse promesse. Non, moi, je veux juste que tu laisses tomber, hein. Laisse tomber! Territoire, ce qui marche au pas de loi, au drapeau rouge noir, marche pour ma victoire. Mais si tu choisis l'autre, le juif là sur sa croix, t'auras jamais de repos. Je vais pas te lâcher, crois-moi. Je vais déchaîner ma colère, inutile de te débattre. Je ferai ta vie en enfer, je finirai bien par t'abattre. Je ferai ta vie